chan, chan, chan. Je marche sur la muraille avec un gros sang, chan, chan, chan. L'homme est mauvais, je vais finir comme Blanca. Insomniaque et la bête, elle, elle. J'ai pas ton tel, ton visage, l'ai vu qu'à l'hôtel. Inconsolable, c'est le blême, M, M. Sur le front vert de champ, essuie l'arme de sel. Créé pour t'oublier, je n'aurais pas tâté ton cou. Car non, je t'ai pas oublié. Remercie Dieu, tu lui dois tout. Le pilon fait un peu de médecine. Les hakkal, on les rate pas. On se défend comme en Palestine. Notre terrain intime mais pas un pas. Et je suis le roi des charbonneurs. Pourtant j'ai la plus grande des flemmes. Et je vise le paradis, élevé par la plus forte des femmes. Je suis pas dans le deal mais j'ai toujours l'intention de changer. Toujours dans ce business. Le bif trouve tout, même ton point G. Trop de zik dans ma tête. Le clochard ne rentre pas dans ta fête. Tu veux mon vécu, je te le donne volontiers. Baisse ma braguette si c'est ta volonté. Dans l'escalier, je laisse des galettes. Quelques cachettes, quelques barrettes. Mon ange de droite n'a pas de quoi noter. Voilà l'enfer à la terminauté. Technique de barbare en I, j'attrape la prod, c'est limpide. Allez, être sur le beat, je l'emporte, je suis ravi, une douleur qui m'habite. J'ai radique toute faiblesse et je me perds dans la jungle, j'ai Allah qui me quitte. J'ai mon clé, je me débrouille, j'ai Zelda qui me dit Unga Unga, monte les matchs comme un tigre. Chance qu'ils aient pas détruit mon bâtiment. Peut-être qu'un jour je pourrais montrer à mes enfants. Ou avec Tariq, papa, Sarah, j'ai dit grand. Là où j'étais qu'un fils de Tibon. Là où j'avais la confiance même avec les grands. Parce que mon papa c'était le plus méchant. Laisse-moi toucher ce que t'as touché. Laisse-moi aimer ce que t'as aimé. Et dans le ton de la porte j'aimerais passer. Pour juste une fois ressentir le passé. Revenir là où tout a commencé. Car on était aussi heureux, je le sais. J'aimerais sonner à la porte et voir ton visage. S'en hérite sur ton visage. Te prévenir de ce qui te fera du mal. Pour ne pas te voir souffrir toute ma vie. Peut-être que ça me permettra de devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que j'aurai plus de lumière pour les nôtres. Mais bon, je suis drogué, capuché, la porte va pas s'ouvrir. Le présent me chuchote, poteau, tu vas souffrir. Donc mes enfants, je leur mentirai que je suis heureux. Qui sort jamais comme moi, jamais dans les ténèbres. Sur cette chaise, dans ce hall, je me sens si bien. Ça me rappelle quand j'avais des rêves en chien. J'aime trop mon jeu, tu comprends pas, pas le même amour. Grâce à mon Dieu, ils ont pas cassé ma première tour. Le paillasson a pris 15 ans comme moi, poteau. Sauf que moi, je vais partir, lui restera dans le ghetto. Peur de changer de vie, peur de désillusion. J'aimerais revenir dans le passé, toquer à la maison. Ouvre-moi la porte, que je prenne Tariq dans les bras, petit. Que je lui chuchote, ton frère sera toujours là, petit. Une prime pour un fou, au grand cœur. Comme papa, mais en beurre. Et je reviendrai quelques fois regarder la porte. Sans toquer, sans sonner, jusqu'à ma mort. Et je reviendrai quelques fois regarder la porte. Sans toquer, sans sonner, jusqu'à ma mort. C'est limpide. Allez, être sur le beat, je l'emporte, je suis ravi, une douleur qui m'habite. J'ai radique toute faiblesse et je me perds dans la jungle, j'ai Allah qui me quitte. J'ai mon clé, je me débrouille, j'ai Zelda qui me dit Unga Unga, monte les marches comme un tigre.